Jean Valjean, Des Misérables pour rire par Avemar. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Jean Valjean. Jean erre à travers le conduit, ayant Marius sur les bras. Dans le malheur qui le poursuit, voit des rats, mais sans queue de rat. Enfin, il arrive à la grille. Il y rencontre pour portier cet assassin, ce malindri que l'on appelle Thénardier. La chose est passablement forte, mais gardez votre étonnement, car Mon Javert est à la porte qui les empoigne en ce moment. En quête de cette aventure, comme il avait une voiture, il conduit chez Gillenormand Marius avec Monsieur Valjean. Puis il serra la main à Jean. Au lieu de lui faire une scène, il se plongea dedans la scène, car il avait du sentiment. Avant de terminer son sort, sur l'argot, il fit ce rapport. Fin de Jean Valjean, enregistré par Ezoie en Belgique en août 2010.